l'Évangile tout entier et les dialogues avec l'homme, avec les diverses générations, avec les nations, avec les diverses traditions. Mais il est toujours et continuellement un dialogue avec l'homme, avec chaque homme, un unique, absolument singulier.